Les deux gens à travers tout le monde, l'international. Ça c'est vrai. Nous bons gens, nous sommes nés, c'est nous seuls qui sommes comme ça. C'est vérité. En Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique. Ça c'est vrai. Harmonie, mélodie, bon, bon, pas les signes des gens. C'est vérité. Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, en Haïti. Ça c'est vrai. Jamais sommes, c'est nous seuls qui sommes comme ça. C'est vérité. En Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique. Ça c'est vrai. Harmonie, mélodie, bon combat, signé des gens. C'est vérité. Yes. Débarquer, débarquer, débarquer, débarquer, débarquer, débarquer. baguette, baguette, baguette, baguette, baguette, baguette, baguette.